Mozart ou la flûte enchantée par Henri Blas de Bury. Si nos sentiments, notre cœur, se pouvaient prêter aux mêmes transformations que notre intelligence, s'ils étaient susceptibles de la même perfectibilité, l'homme aurait depuis longtemps changé de nature. La source des idées est inépuisable, non point celle des sentiments. Le musicien, pas plus que le poète, ne saurait donc, quoi qu'il fasse, exprimer jamais qu'une somme restreinte de sentiments et de sensations, mais si la somme est définie, le sentiment en soi est infini, et de même qu'il n'existe pas deux hommes qui sur tous les points se ressemblent, qu'on ne trouve pas deux feuilles d'arbres exactement identiques, de même, chacun de nous a sa façon d'être affecté de chacun de ses sentiments. Là, pour un artiste, est la vraie, l'éternelle source de toute originalité, car s'il y a mille manières d'éprouver un sentiment, il y a mille manières de le rendre, il y a mille manières d'être neuf, d'être inspiré. Qui songe pourtant à se poser aujourd'hui de tels principes, méditer un sujet, le retourner sous toutes ses faces, sentir sa musique avant de l'écrire, c'était bon tout cela pour les maîtres. Ils créaient et nous voulons faire. Or, comme pour tirer de nos ouvrages renommés profit, il nous faut commencer par agir sur le public, cette originalité qu'il serait trop long et peut-être impossible d'aller puiser à sa vraie source, nous la demandons à de systématiques combinaisons. Inhabile à trouver l'idée, nous ne cherchons plus le nouveau que dans la forme, que dis-je, la forme, dans l'absolue négation de la forme. Au fond, nous savons bien que ces lois avec lesquelles il nous plaît d'avoir l'air de rompre en visière sont les bonnes, les seules vraies, et nous ne les repoussons théoriquement que parce que nous préférons le rôle d'insurgé au métier d'esclave qu'il nous faudrait faire en les acceptant. C'est l'originalité de l'idée, est-il besoin qu'on le répète, qui constitue la véritable originalité de la forme. Voyez Mozart. Tel musicien en 30 mesures ne saura que vous ressasser la chose la plus insignifiante, la plus ordinaire, tandis que lui, dans ces mêmes 30 mesures, dans cette même forme, va couler comme un or précieux l'air de Zarathustra, l'hymne à l'amour, et 20 autres merveilles de sa flûte enchantée. On sait de quelle suite d'aventures picaresques ce glorieux chef-d'œuvre fut le produit. Il s'agissait pour Mozart de tirer d'embarras au plus vite un pauvre diable dont l'entreprise mena ses ruines. Cet homme, appelé Schikaneder, musicien et librettiste de pacotille, dirigeait à Vienne un petit théâtre de faubourg situé auf der Weiden dans l'hôtel Starnberg. Depuis quelque temps, le public ne venait plus, les opérettes n'attiraient plus personne, les drames de chevalerie se jouaient dans le désert. Il fallait ou périr, ou conjurer le sort au moyen de quelques pièces à grand spectacle d'une attraction irrésistible. C'était alors déjà un peu comme aujourd'hui, quand la recette ne donnait plus, quand l'heure avait sonné des résolutions suprêmes, on commandait une féerie. Jusqu'aux environs de 1778, l'opéra italien et le ballet régnaient en maître. C'est l'empereur Joseph II qui, voulant fonder en musique un genre national, bannit de son théâtre les éléments étrangers. Lui-même recruta son orchestre, ses chœurs, qu'il composait avec des chantres de paroisse, et dirigea en personne les répétitions du premier opéra allemand représenté à Vienne. À cet ouvrage, intitulé « Les mineurs »,« Bergknappen », d'autres plus importants succédèrent « L'Oberon, roi des elfes », de Paul Wranitzky, la flûte enchantée de Wenzel Müller, celle de Mozart, car il devait y en avoir deux, comme il y avait eu chez nous deux Phèdres. Un matin donc, du mois de mars 1791, ce garnement de Schikaneder vint réveiller Mozart par le récit de sa déconfiture. « Je la connais, » lui répondit l'auteur des Noces de Figaro et de Don Juan, qui déjà passait pour le plus grand compositeur de la ville et du monde. « Mais si c'est de l'argent qu'il te faut, mon pauvre ami, tu t'es trompé de porte. »« Point tant que tu supposes, » répondit Schikaneder, « car ce n'est pas à ta bourse que j'en veux, mais à ta plume. »« Un opéra. Bon, la belle médecine. Et qui te dit qu'en l'attendant, ton malade ne mourra pas ?»« Qu'on sache seulement que tu travailles pour moi, et les ressources m'arriveront. Mais le poème, je m'en charge. Voici d'abord le plan et les principaux morceaux du premier acte. Tu peux dès à présent te mettre à l'œuvre. Pendant ce temps, moi, j'achèverai le reste. Voyons, demain, cher Mozart, ne me laisse pas davantage dans la peine. S'il en est ainsi, je consens. Mais gare au fiasco, car je n'ai jamais composé de féerie, et du diable si je sais ce que je vais faire. » Schikaneder, lui, connaissait le genre et ne s'y trompait pas. Sa longue pratique du théâtre lui montrait comment on devait s'y prendre pour attirer la foule. Il savait, en directeur intelligent, qu'avec les goûts, les engouements du public, on ne discute pas, et se sentait pourvu d'une bonne pièce de la marchandise à la mode qu'il était allé chercher dans le répertoire littéraire de Wieland, ce grand magasin de féerie. Le charmant prince Loulou, un jour qu'il s'est égaré à la chasse aux tigres, arrive au pied d'un vieux château, résidence de la bonne fée Périphérim. Il entre, et soudain, au milieu de jardins enchantés, se montre à lui la maîtresse du logis qui lui raconte comme quoi l'affreux magicien d'Ilsenguin lui a dérobé son talisman, une baguette de feu, à laquelle obéissent les esprits élémentaires et dont une simple étincelle suffit pour évoquer à l'instant 1000 diablotins familiers prompts à vous servir. La grande affaire pour la dame serait donc de rattraper son talisman perdu, lequel ne saurait être reconquis que par la main d'un jeune homme n'ayant point encore ressenti les troubles de l'amour. Il va sans dire que dans le charmant prince Loulou, Périphérim tout de suite avise un libérateur qu'elle se promet bien in petto de récompenser plus tard en lui accordant sa fille en mariage. Mais, hélas, cette aimable fille elle-même n'est plus au pouvoir de la bonne fée. L'horrible magicien la lui a prise avec son talisman, et l'infortuné Sidi, en butte aux obsessions du monstre, ne parvient à se conserver pur que grâce à certains privilèges particuliers aux êtres surnaturels et qui perdraient leur action aussitôt que son cœur de jeune fille parlerait. Périphérim donne à son chevalier deux talismans en prévision des dangers qui vont l'assaillir dans l'entreprise où il s'engage. Une flûte, dont les sons magiques éveillent à l'instant l'amour, et une bague en diamant qui, pareil au fameux anneau de Gigès, fait qu'on peut, en la retournant de telle ou telle façon, se transformer ou se rendre invisible à volonté. Le prince Loulou entre en campagne, et dès qu'il arrive en vue du donjon du nécromancien, se met à souffler dans l'embouchure de sa flûte. Le concerto ne tarde pas à produire des miracles. La forêt tout entière s'ébranle, les lions rugissent en dansant, les cerfs brament des cavatines, les grues vocalisent à plein gosier comme de véritables cantatrices, les éléphants cabriolent dans l'herbe et donnent le la. Attiré au bruit de la symphonie, l'enchanteur d'Ilsenguin arrive en personne et, charmé par la présence de cette harmonie virtuose, l'invite à pénétrer dans son château. J'oubliais de dire que l'aimable prince Loulou, pour mieux tromper la défiance du magicien, s'était fait d'avance une de ces belles têtes homériques dont le type trop effacé reparaissait naguère avec tant de bonheur dans la mireille de Gounod, mais hélas, pour ne vivre que l'espace de quelques soirs. Bientôt, grâce à la puissance de ses accords, Loulou s'est rendu maître de l'enchanteur et aussi du cœur de la belle Sidi. Dans une ripaille nocturne, notre chevalier grise le bonhomme et tandis qu'il ronfle sous la table, cuvant son vin, lui prend la baguette de feu. Périphérim alors se montre. Le nécromant se déclare vaincu, demande merci. La fée, pour toute vengeance, se contente de le changer en coucou et, trop heureux d'en être quitte à si bon marché, le vieux drôle s'enfuit à tire-d'aile, suivi de son coquin de fils, un méchant gnome métamorphosé par la même occasion en chat-huant. Quant au prince Loulou et à la princesse Sidi, l'un et l'autre, ils n'auront plus qu'à célébrer leurs noces dans ce fameux palais meublé aux frais d'Oberon et de Titania, où, parmi les fontaines jaillissantes et les colonnes d'hyacinthe, se dresse, sur une estrade en mosaïque, et vis-à-vis d'un grand soleil qui fait la roue, l'autel portatif des génies surmonté de son aigrette de lycopodium. Tel est fort, en abrégé, l'histoire racontée par Wieland dans son Djinnistan, et d'après laquelle Schikaneder composa son poème de la Zauberflöte. Ce qu'il en prit et ce qu'il en laissa, ce qu'il y ajouta, peu nous importe. Mais nous verrons tout à l'heure comment de cette niaiserie grotesque Mozart, par cette faculté créatrice presque inconsciente qu'il tenait de Dieu, fit en quelques semaines une des œuvres les plus grandioses, les plus magnifiques qui existent, je ne dirais pas seulement en musique, mais en philosophie. Le beau, lorsqu'il atteint à ses hauteurs, ne saurait plus être maintenu par la discussion dans les simples limites d'un art quelconque. Un pari idéal, lorsqu'on y arrive, prend des proportions vraiment historiques. Ce n'est plus beau seulement, cela, comme de la musique, mais c'est beau comme les dialogues de Platon, comme la Sixtine, comme tout ce qui vous pénètre et vous inonde du sentiment de l'infini. Tieck est un talent de haute condition, disait Goethe, et personne mieux que moi ne le reconnaît. Mais où l'erreur commence, c'est à vouloir l'élever au-dessus de lui-même et prétendre voir en lui mon égal. Je le dis et le puis dire, car après tout, qu'importe, ce n'est point moi qui me suis fait. Il en serait de même si je prétendais me comparer à Shakespeare, qui, lui non plus, ne s'est point fait, et pourtant n'en est pas moins une nature qui m'est supérieure, et qu'il me faut regarder d'en bas et vénérer. Rapportons à Mozart la sentence, car nul ne semble plus fait pour qu'on la lui applique, tant sa manière de créer a quelque chose d'ingénu, d'enfantin, de divinement transmis, tant cette nature si profondément sensitive paraît peu se rendre compte des merveilleux trésors dont elle dispose. Voyez cet œil doux et rond à fleur de tête, cette lèvre voluptueusement épanouie, ce visage aimable où l'expression manque. Vous diriez un honnête garçon de la bourgeoisie viennoise, modeste, poli, comme il convient à quelqu'un que les archevêques protègent. Rien de cette élégance, de cette finesse aristocratique d'un Raphaël, l'égal, l'ami des Castiglione. Rien non plus de ces ravages volcaniques imprimés sur le front d'un Beethoven. Raphaël vit en grand seigneur avec les grands seigneurs de son temps. Beethoven, nourri de Rousseau, de Plutarque, sans gronder dans son sein contre une aristocratie dont pourtant il accepte les prévenances, toutes les colères de la Révolution française. Mozart, en 1781, fut de son époque. Avec la Renaissance, les beaux jours s'en étaient allés de ses familiarités illustres. Par contre, ceux de la protestation ne s'étaient pas encore levés. Il fallut les indignes traitements dont l'accablait l'archevêque de Salzbourg pour forcer Mozart à quitter la place. Après Idoménée, à la veille des noces de Figaro, manger à l'office avec la Valtaille et s'entendre rappeler drôle et polisson par une éminence, c'était aussi trop rude épreuve. Et pourtant, cette atmosphère aristocratique, qu'il avait respirée au début dans les palais de Vienne et de Versailles, ne devait plus cesser de l'entourer. Ses voyages, ses goûts, le poussaient vers les hautes régions. On comprend d'ailleurs tout ce qu'une organisation comme la sienne devait retirer de ce commerce avec la bonne compagnie, commerce toujours si profitable au point de vue purement esthétique. Pour se prémunir contre les inconvénients qui, chez tout autre, auraient pu résulter de ce contact avec un monde frivole et dépravé, Mozart avait l'instinctive pureté de sa nature, son heureuse ironie et cette vigoureuse santé de l'âme qui fit qu'à travers les mille orages d'une existence en définitive assez dissolue, cet homme, resté chaste jusqu'à 26 ans, ne faillit jamais à ses croyances. Il fréquentait l'église, pratiquait, ce qui ne veut point dire que son œuvre ne s'étende pas au-delà de l'enseignement de la foi révélée. En pareil cas, ce que pense l'artiste, ce qu'il dit et ce qu'il fait n'est point tout. C'est à son œuvre qu'il faut s'adresser pour le bien connaître. Et l'œuvre ici respire le sentiment de la plus absolue liberté de l'intelligence humaine dans la recherche du beau, du vrai, du bien. Né dans la religion catholique, fils de parents dévots, croyant lui-même, Mozart n'en est pas moins l'homme du XVIIIe siècle, l'être doué d'une exubérance de vie nerveuse, et qui, refoulé en soi par le formalisme d'une société qui le tient à distance, s'il n'est le plus grand des musiciens, sera fatalement Werther. Pas plus que Shakespeare et que Goethe, Mozart ne s'est donc fait, moins encore que l'auteur de Hamlet et l'auteur de Faust, l'auteur de Don Juan et de la Flûte enchantée ne doit porter la responsabilité de son génie. S'il fut si grand, pardonnons-lui, car il ne savait pas ce qu'il faisait. Ce ne fut pas sa faute, mais celle de son pays, de son époque, dont il fut l'âme la plus sensible et partant la plus musicale. Qu'on imagine ce qu'une nature aussi douée devait produire en musique dans un temps où la sensibilité règne partout, dans la philosophie, dans la politique, et tellement abusent de l'heure présente que l'avenir, écœuré, n'en voulant plus, raillera le mot de ses tablettes. Mozart, même en tel milieu, n'eut pas d'égal. Son être tout entier n'est que sensitivité, à ce point que les facultés d'observation, d'entendement, d'imagination sembleraient chez lui n'exister uniquement que pour donner à la chose ressentie la forme et l'expression d'une œuvre d'art. L'émotion le gagnait au moindre prétexte. Sa propre musique tirait des larmes de ses yeux. Aimer, se croire aimer, était son besoin, sa passion. Dès l'enfance, sa tendresse envers son père éclate en traits touchants. « Après le bon Dieu, disait-il, tout de suite, dans mon cœur, vient papa. » Et chaque soir, on le voyait approcher son escabeau du fauteuil de famille et se dressant sur la pointe de ses petits pieds, baiser au bout du nez le digne homme avant d'aller se mettre au lit. Un ami de la maison, Schlartner, rassemblant ses souvenirs, écrit à la sœur de Mozart après la mort du frère « Un dimanche, comme nous sortions de l'office, votre brave père m'emmena chez vous. » Wolfgang avait alors 4 ans. Nous le trouvâmes occupé à griffonner avec une plume sur du papier. « Que fais-tu là ? » lui dit votre père. « Un concerto pour clavecin, » répondit l'enfant. « La première partie sera achevée tout à l'heure. » « Voyons. » « Mais puisque je te dis que ce n'est pas encore terminé, voyons toujours, ce doit être du propre. » Votre père prit le cahier et me le montra. Je n'aperçus d'abord qu'un ramassis de notes jetées à la diable sur une page toute maculée de taches d'encre. Le petit garnement plongeait sans y faire attention sa plume jusqu'au fond de l'écritoire, et chaque fois qu'un gros pâté en tombait, l'essuyait du plat de sa main, continuant d'écrire sans s'interrompre. Nous commençâmes par rire tous les deux du beau galimatia. Cependant, tout à coup, votre père s'arrêta et devint grave. Il lisait, se rendait compte de ses notes, de cette composition, car c'en était une, et bientôt je le vis s'émouvoir et fondre en larmes. Ces deux bourgeois, qui sortent de l'office dans leurs habits du dimanche, ce bambin de 4 ans qui, l'auréole du génie au front, travaille et compose à l'âge où ses pareils épellent à peine l'alphabet, cette révélation, ce pathétique, ne dirait-on pas une légende ? La vie de Mozart est pleine d'histoires de ce genre. Parler de vocation cette fois serait trop peu. À chaque instant, la prédestination se manifeste. Peinte avec le naïf mysticisme qu'elle comporte, l'anecdote que raconte cette lettre aurait le charme d'une enluminure du Moyen-Âge. Et combien d'autres viendraient à la suite dans l'illustration de cette biographie qui, du commencement à la fin, je le répète, n'est qu'un doux, tendre et sublime martyrologe.